Petite fraîcheur, t'es peut-être mannequin, mais t'es loin d'être une fille modèle. Tu aimes te shooter à tes shooting cars, tu jouis d'une vie moderne. Tu passes ton temps à te défiler, tes adversaires défilés. J'aime tes collants effilés, te compare pas à des filets. Même à l'école, t'es populaire comme t'es, tu comptes plus les compliments récoltés. Et dans tes soirées, y'a du monde au balcon, mais je ne parle pas de ton décolleté. J'suis un mec à part, on vient pas de la même dimension. J'essaye de mener ma barque, et toi tu me parles dimension. Je côtoie des filles de mon âge et puis des visages. Mais même en amour je vois peu de défis. Tellement de vautours, la durée de vie sachez. Tout le monde autour semble me dévisager. Tu fais des galas dans ton habitation, car tu penses que la richesse fait rêver le monde. Tu es venu car j'ai reçu ton invitation, mais je me sens mal à l'aise dans ces événements. Passons ton temps à tu joues des rôles, t'obéis à des schémas louches. Ton père aime critiquer les roms, mais tes robes viennent de chez Manouche. Et c'est marrant comme Isabelle. Certaines de tes copines te disent antipathique. Tu vas de boutique en boutique antiquatique, mais t'es qu'une enfant qui déguise ta peine. Et ton visage angélique change quand tu mélanges des liqueurs. C'est étrange, mais ton géniteur pense plus à ses anges au liver. Ta maman c'est gosilleux, chaque fois que tu te bousilles. T'as encore abusé hier, on te pardonne pour tes beaux yeux. On s'exporte, en sexe on s'explose. Je suis le premier ex pauvre à t'emmener voir des expos. Toi tu construis des châteaux de sable. Pour être ouvert sur le monde, t'as pas besoin de décapotables. Comme si t'aimais qu'on te fasse du mal, tu ne les arrêtais plus. Une petite princesse ne devrait pas devenir la reine des putes. Un ange passe les ailes déployées, moment de flottement. Rappelle-toi comme t'y croyais fort, avant que le premier homme te mente. Tu t'es ouvert les poignets à cause d'un autre avortement. Tes marques peuvent en témoigner. Toi t'es comme une môme, les mots te mentent. Tu fais aucun effort, tu veux plus craquer. Chaque homme charmé par ton caractère se contentera de regarder. Ton cœur est un coffre fort. T'as dû t'armer, te cacher derrière un masque et passer ton temps à te braquer. T'es plus la même qu'autrefois. Princess.